aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. La vie, le temps, les orages, rien ne vient troubler cette image. Regard hanté d'un mirage, Commandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Que faire de nos impatiences dans le désordre des croyances? Elles vibrent dans tes silences, Commandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Toujours la même arrogance de ceux qui croient foutus d'avance les rêves que Mandela danse, Commandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Si nul jamais ne présage des traces que les saints passages, jusqu'où, pour qui tes messages, Commandante Che Guevara. Seguiremos adelante, junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, Comandante. La vie, le temps, les orages, si rien ne trouble cette image, pour qui, jusqu'où tes messages, Commandante Che Guevara. Jusqu'où tes messages, Commandante.